Chapitre 70. Le mérite de fréquenter les gens, d'assister aux prières en commun, à celles du vendredi, au rassemblement où l'on évoque Allah, de visiter les malades, d'assister aux funérailles, d'aider les nécessiteux, d'orienter les ignorants. Le mérite pour celui qui le peut, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de ne pas faire de tort à autrui et d'endurer le mal des autres. Sachez que fréquenter les gens, comme je l'ai indiqué dans le titre, est recommandé. C'est ainsi qu'agissait le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les autres prophètes, les califes bien guidés, les compagnons et leurs successeurs, les savants de l'islam et les meilleurs de cette communauté après eux. Ce fut en outre la manière d'agir de la majorité des tabi'in, la génération qui a suivi celle des compagnons, ainsi que de leurs successeurs. C'est aussi l'avis de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Ahmad et de la majorité des savants, rahimahumullah. Allah Ta'ala dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. » Sourate 5, verset 2. Les versets qui vont dans ce sens sont nombreux et bien connus.